Bonjour. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Comment ça va? Porque no salimos a caminar después de aquí. Porque tenemos que programar, que no lo hacemos a los franceses. Pues sí, no, no hay que buscar para encontrar, hagamos. Vale. Nos vemos ahorita, vale. Bueno. Por favor. A tu celular. B, C, D, E, F, G. Oui, en match de championnat anglais, Samuel Eto'o a marqué un but et il a voulu un peu répondre à son coach en imitant un vieux parce que José Mourinho avait dit de lui « Pat ou 35 ans, Pat ou 35 ans, Pat ou 35 ans, Pat ou 35 ans. » Détends, silence de toi, aujourd'hui, tu vas rire, et pourtant, j'ai tout oublié.